Les coups d'épée de Monsieur de la Guerche, d'Amédée à Achard. Chapitre 1er. Castor et Pollux. L'époque où commence ce récit, vers l'an de grâce 1600 et quelques, il n'était pas, dans toute l'ancienne province de la Marche, d'ennemis plus irréconciliables et tout à la fois d'amis plus intimes que le comte Armand Louis de la Guerche et son voisin, le marquis Renaud de Chauxfontaine. À 10 lieues à la ronde, pas un bourgeois et pas un manant qui ne les connussent, pas de hobereaux qui ne les eût rencontrés, chevauchant de compagnie sur quelques roussins du pays, pas de maraudeurs qui ne les eût surpris, se livrant de furieuses batailles sur la lisière des bois. Ils fondaient ensemble les plus fameux héros de la mythologie et de l'Antiquité. Le comte Armand Louis et le marquis Renaud étaient à la fois Oreste et Pylade, et Théocle et Polynice. Ils seraient volontiers morts l'un pour l'autre, et ne passaient pas un jour sans se provoquer à d'interminables combats singuliers. Le temps qu'ils n'employaient pas à se rendre de petits services, ils le consacraient à se quereller. On débutait par des paroles affectueuses, on finissait par des coups terribles. Cela durait depuis le temps où M. de la Guerche et M. de Chauxfontaine cherchaient des prunelles dans les haies et des noisettes dans les taillis. La sympathie des deux jeunes gentilshommes provenait de la grande similitude d'âge, de goût, de caractère. L'antipathie avait pour cause la différence de religion. Le comte Armand était huguenot, le marquis Renaud bon catholique. Celui-ci se découvrait au nom de feu l'amiral Coligny. L'autre tenait M. de Guise pour un grand saint. On avait donc 6 heures par jour pour s'aimer et 6 pour se haïr. Le reste du temps appartenait à l'escrime, à la chasse, à l'équitation. On disait de Renaud que personne, dans la province, ne montait aussi bien à cheval, si ce n'est M. de la Guerche, et d'Armand Louis, que nul gentilhomme de la contrée ne maniait aussi lestement l'épée, le poignard de Merci, la pertuisiane et l'arquebuse, si ce n'est M. de Chauxfontaine. Le comte traversait une rivière comme un cygne. Le marquis franchissait un ravin comme un chevreuil. Il luttait contre les mêmes taureaux, et si l'un ne connaissait pas de barrière qui pût l'arrêter, l'autre ne savait guère de fossés devant lesquels il eût reculé. Quand on rencontrait le jeune Renaud à cheval, courant dans la campagne, c'est qu'il cherchait Armand Louis. Quand on voyait le comte tête nue, passant comme un cerf à travers les bruyères, c'est qu'il allait au-devant du marquis. Peu après, on les apercevait au bord d'un ruisseau, déjeunant d'un morceau de pain qu'ils arrosaient fraternellement d'un peu d'eau fraîche. La chose faite, épuisés par la course, ils dormaient côte à côte. « C'est Nisus et Orial, » disaient les savants du pays. Mais si le lendemain on entendait dans une clairière le bruit sourd d'une branche de chêne heurtant un bâton de cornouiller, les bergers du canton savaient que les deux inséparables étaient aux prises. « C'est Achille et Hector, » reprenait-on. Et personne ne songeait à intervenir dans la querelle. Le huguenot et le catholique avaient presque même taille, tous deux grands, souples, lestes, vigoureux, tels que le peuvent être deux braves gars élevés dans la pleine liberté des champs, brûlés par le soleil, battus par la pluie, halés par le vent, accoutumés à braver la bise et la neige, à coucher sur la dure, à dormir à la belle étoile. L'un, blond, avec des cheveux bouclés à reflets d'or tombant sur un front de marbre, l'autre, brun, avec une crinière de cheveux noirs, dont les ondes luisantes assombrissaient les yeux sauvages et le teint basané. Monsieur de la Guerche, pareil à cet Endymion pour lequel une déesse descendit de l'Olympe, Monsieur de Chauxfontaine, tel qu'un peintre de bataille aimerait à représenter le terrible maréchal de Montluc, revêtu de son harnais de guerre. Tout naturellement, Armand Louis commandait tous les petits protestants du pays. Renaud avait sous ses ordres les catholiques des 10 clochers voisins, et les deux généraux ne manquaient pas une occasion de pousser les deux armées rivales l'une contre l'autre. Leurs qualités diverses se faisaient voir dans ces mêlées. Renaud, prompt à l'attaque, toujours le premier et le plus avant dans la mêlée, impétueux, hardi et loquace comme un héros d'Homère. Armand Louis, tenace, inflexible, rapide dans ses évolutions et n'oubliant jamais, au plus fort du combat, qu'il était capitaine. Il manœuvrait ses jeunes soldats comme de vieilles bandes. Renaud poussait droit devant lui et se fiait au hasard, qu'il appelait le dieu de la guerre. Mais s'il comptait plus d'ennemis renversés, la victoire restait presque toujours à Armand Louis, et le marquis, tout à coup isolé de ses régiments rompus et dispersés, était fait prisonnier sur le champ de bataille. À 14 ans, M. de la Guerche lisait dans le texte latin les commentaires de César. M. de Chauffontaine, à 15 ans, se plongeait avec délices dans les étonnantes aventures de Don Galaor et les chevaleresques épopées d'Amadis des Gaules. M. de Chauffontaine n'avait pas uniquement la prétention de vaincre M. de la Guerche, la dague au poing. Il voulait encore le convertir. Pour atteindre ce résultat mirifique et arracher ainsi une âme aux griffes maudites du malin, il se nourrissait par intervalles de lectures pieuses, d'oraisons et de thèses scolastiques dont il retenait au hasard quelques lambeaux. Quelquefois même, il apprenait par cœur certains passages qui lui paraissaient d'une éloquence édifiante et il les récitait aux arbres du jardin. Un gros cerisier, dont il pillait dévotement les fruits, était chargé dans ces occasions solennelles de représenter Armand Louis. Renaud l'accablait d'arguments victorieux. L'arbre ne soufflait mot. Renaud, enchanté, redoublait. Et la mémoire bourrée de citations, la bouche pleine de cerises, il prenait à témoin de son triomphe les poiriers et les pommiers d'alentour. « Qu'as-tu à répondre, maudit parpaillot ? » s'écriait-il. « Quelle hérésie peux-tu opposer à cette dialectique ? Te voilà réduit au silence, vaincu, abîmé. Mais la perversité de ton âme est telle, empoisonnée qu'elle est par le souffle de Calvin, que tu t'obstines dans ton erreur. Va donc périr dans la géhenne, réprouvé. Ce n'est pas moi qui intercéderai auprès des saints que tu renies pour sauver ton âme. Va des rétros, si tu brûles, in secula seculorum, ça sera bien fait. » Il déchargeait un coup de bâton sur le tronc du cerisier et partait pour chercher le véritable Laguerche, qu'il poursuivait d'arguments et bombardait de citations avec une véhémence que rien ne lassait. Le plus plaisant était que, si on eût appris à M. de Chauffontaine que le parpaillot, son ennemi, avait la fièvre au moment même où il le vouait aux flammes de l'enfer, on l'aurait vu changer de couleur et trembler comme une feuille. À ces heures charmantes où l'aube s'éveille, il n'était pas rare d'entendre sa voix éclatante au bord d'une clairière devant laquelle il venait d'apercevoir Armand Louis guettant les lapins. « Viens ça, parpaillot du diable, viens ça, que je te pulvérise » s'écriait-il. « Viens confesser que tu n'es qu'un mécréant de la pire espèce. Je veux que ton hérésie morde la poussière et te faire voir que tu es un misérable damné, prédestiné à la cuisine de l'enfer. Viens, te dis-je, et que tous les huguenots tes cousins crèvent de dépit en voyant ta confusion. » Dès les premières syllabes de ce petit discours, Armand Louis s'armait d'une gaule. Il savait comment finirait l'homélie. Armand Louis ne se mêlait pas d'éloquence. Il répondait aux démonstrations du prédicateur imberbe par les sourires. Quelquefois même, au plus beau de son improvisation, il l'interrompait par un sarcasme. Renaud devenait pourpre. « Ah, tu railles, coquin ! À moi, les armes temporelles, elles auront raison de ton impertinence !» disait-il alors. Et les poings fermés, il tombait sur l'auditoire. Mais l'auditoire, qui n'avait pas peur de l'excommunication, ne reculait pas devant le prédicateur. Nous devons ajouter qu'au bout de 5 ou 6 ans mêlés de coups et d'oraisons, Armand Louis n'était pas encore converti. Dans leur rencontre de tous les jours, M. de la Guerche ne se montrait pas si prompt aux escarmouches que son adversaire M. de Chauffontaine. On ne le voyait pas non plus éternellement occupé à battre la plaine ou les bois, en quête de perdrix et de lièvres, et cherchant querelle aux petits pâtres qui gardaient les brebis dans les landes. Il ne se montrait pas davantage amoureux de disputes théologiques ou friand d'aventures. Si, autrefois, au premier temps de son adolescence, il était l'un des premiers à organiser une expédition dans le but glorieux de dépouiller de ses fruits le verger d'un monastère, ou de provoquer en champ clos la jeune population d'un village voisin, maintenant qu'une moustache naissante commençait à ombrager sa lèvre, on le surprenait errant seul à l'écart au fond des balais. Quelquefois même, il ne suivait pas ses camarades, qui, armés de lignes et d'éperviers, livraient bataille au brochet d'un étang et l'invitaient à partager leur jeu. Il ne répondait plus avec le même élan aux provocations de Renaud. On l'avait vu déserter les leçons d'escrime d'un maître italien pour s'égarer dans un bois, et si quelqu'un alors l'eût suivi, peut-être l'aurait-on vu graver deux lettres sur l'écorce fragile d'un bouleau, comme autrefois les bergers de Virgile. Renaud souriait de pitié. Les petits catholiques se réjouissaient de ne plus avoir affaire au terrible général qui les avait vaincus si souvent. Les petits huguenots pleuraient sur leur capitaine. Il sait que le sort du démon terrassé par Saint-Michel lui est réservé. Il a peur de succomber sous mes coups, disait M. de Chauxfontaine, qui prenait de grands airs et modestement se comparait à l'archange. Un moine lui aura acheté quelques sortilèges, pensait un jeune calviniste, naguère promu aux fonctions de lieutenant. Il rêve comme un savant. Il dort comme un abbé. Hélas, s'il rêvait sans cesse, M. de la Guerche ne dormait plus guère. Le sortilège qu'il avait terrassé, l'archange qu'il avait vaincu, c'était la compagne de ses premiers ans, Mademoiselle Adrienne de Souvigny. On peut presque dire, qu'Armand-Louis l'avait toujours connue, mais il ne la regardait que depuis quelques mois, et à présent qu'il la regardait, il ne pouvait se lasser de l'admirer.